The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Flower. La fleur. To remove. Retirer. Petal. Le pétale. A little. Un peu. A lot. Beaucoup. Passionately. Passionnément. To be mad. À la folie. Not at all. Pas du tout. To sting. Piquer. Now, a bit faster. A little. Un peu. To take. Prendre. A little. Un peu. To sting. Piquer. Passionately. Passionnément. To be mad. À la folie. A lot. Beaucoup. Passionately. Passionnément. To sting. Piquer. Petal. Le pétale. To take. Prendre. To remove. Retirer. Passionately. Passionnément. To take. Prendre. Petal. Le pétale. To remove. Retirer. To sting. Piquer. Not at all. Pas du tout. Flower. La fleur. A lot. Beaucoup. To remove. Retirer. Now, use the words in context. Le pétale. This flower has almost no more petals. It's completely withered. Cette fleur n'a presque plus de pétales. Elle est complètement fanée. À la folie. I'm so crazy about her. I want to marry her. Je l'aime à la folie. Je veux l'épouser. Piquer. Ouch. I pricked myself with a needle. Aïe. Je me suis piqué avec une aiguille. Retirer. I will try to remove the bee's stinger without breaking it. Je vais essayer de retirer le dard de l'abeille sans le casser. Le pétale. This flower has almost no more petals. It's completely withered. Cette fleur n'a presque plus de pétales. Elle est complètement fanée. À la folie. I'm so crazy about her. I want to marry her. Je l'aime à la folie. Je veux l'épouser. Retirer. I will try to remove the bee's stinger without breaking it. Je vais essayer de retirer le dard de l'abeille sans le casser.